Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 1, colonne 5. Nouvelles diverses. Mercredi dernier, un petit garçon de 4 ans, fils de M. Edward Mackenzie, en jouant près de la table tournante du chemin de fer de Fitchburg, à Garner, a été pris entre la table et le cadre alors qu'elle était en mouvement et écrasé à mort. George Freeman, jeune homme de 18 ans, a reçu la décharge d'un fusil dans la cuisse en prenant cette arme sans précaution sur un wagon samedi matin à Warren. Malgré les soins des médecins, il est mort le lendemain des suites d'une trop grande perte de sang. Lundi après-dîner, à Webster, un Canadien français du nom de Joseph Garvin, employé comme ajusteur, en tentant de monter sur un train de marchandises entre Webster et Webster Nord, est glissé et le train lui est passé par-dessus le corps. Il a eu un bras et une jambe coupés. Aux dernières nouvelles, il était encore en vie, mais il se trouve dans une position bien critique. Madame Marianne Batty, femme de Charles Batty, demeurant à Auburn depuis plusieurs années, en revenant de mener le lait, samedi soir, chez un nommé Dorshire qui habite sur la route de Leicester, son cheval a pris le mort aux dents et il a été lancé par terre à une distance de 25 pieds. Son wagon était de la forme ordinaire des wagons de fermiers. Elle a reçu des blessures tellement sérieuses que quand les voisins sont accourus pour la relever, elle rendait le dernier soupir. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.